en 84. N'en pouvant plus d'avaler les couleuvres social-démocrates, les communistes quittent le gouvernement. Jamais plus ils ne retrouveront leur influence. Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneau. Ils sont très fiers de leurs vignobles, leur Côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces tarés. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers dernier modèle de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindes marron. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, y aurait 50 millions de prétendants. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la rupture du programme commun de la gauche en 1977, dont nous allons parler avec notre invité Michel Vinocq. Bonjour. Bonjour. Professeur émérite à Sciences Po Paris, historien, spécialiste de la République française, des mouvements politiques, du socialisme et de beaucoup de choses qui se rapportent à notre histoire contemporaine, auteur de nombreux ouvrages. Vous faites paraître et vous dirigez un livre collectif, hein, avec autant de signatures que de portraits, qui s'appelle « Les figures de proue de la gauche » depuis 1789, ça paraît là, ces jours-ci, enfin ce mois-ci. Un mot de cet ouvrage, alors moi j'ai beaucoup aimé le fait que vous commenciez par Condorcet, le père de la gauche. Ça interpelle, c'est intéressant, hein. Oui, c'est Mona Ozouf qui écrit ça. Ouvre ce livre avec le portrait de Condorcet, et c'est elle qui prononce, qui écrit... Cette affirmation, c'est le père de la gauche, Condorcet. Pourquoi ? Ben parce que Condorcet est le défenseur de la raison contre la tradition. C'est l'homme qui pense à l'avenir et qui rejette le passé. Et du reste, on doit à Condorcet, si vous voulez, l'idée majeure de progrès. Le progrès de l'esprit humain. Donc ça, c'est typiquement de gauche par rapport à cette tradition qui fondée sur notamment la religion, l'Église catholique, la monarchie, exalte au contraire une continuité dans la coutume, une continuité dans les mœurs, dans la hiérarchie. Alors Condorcet a une autre qualité, c'est que il fait le pont entre les Lumières, la philosophie des Lumières et la Révolution. Des Lumières qui se seraient bien accommodées d'une monarchie constitutionnelle, par exemple. Bah, alors que lui est plus dans son époque. Ni Voltaire, ni Diderot ne pensaient à l'idée d'une révolution. Oui. Bien entendu, il voulait un changement de monarchie. Une monarchie limitée, comme on disait. Une monarchie constitutionnelle. Mais non pas la fin de la monarchie, certainement pas. Condorcet, lui, non seulement est un acteur, un philosophe et un acteur de la Révolution, mais il est un des tout premiers révolutionnaires à comprendre que l'avenir, c'était la République. Mmh. Et ça se passe au moment de Varennes. Lorsque la fuite de Varennes. Mmh. Lorsque le roi a quitté Paris pour fuir à l'étranger, qu'il est rattrapé à Varennes, pour lui, il n'y a pas de doute, c'est fini. Mmh. Il faut la République. Donc on pourrait lui devoir cette notion simple, mais juste des forces conservatrices et des forces de progrès, finalement. Oui, bon. Certainement. On va faire de Condorcet à Mitterrand, il n'y a qu'un pas de plus de 200 ans. 1971, Michel Vinocq, vous considérez, vous aussi, que c'est le discours fondateur du processus de prise de pouvoir, du pouvoir de celui qui compte en France, l'Élysée, par les socialistes et par Mitterrand et par la gauche. Oui, certainement. Cependant, dans ce livre que nous évoquons, on voit bien à travers toute cette galerie de portraits que la gauche, au fond, n'existe pas. Elle n'existe pas au sens de singulier, au singulier. Oui, c'est les gauches. Il y a des gauches. Bien sûr. Comme il y a des droites d'ailleurs, une droite orléaniste nationale et bonapartiste. Exactement. Pareil. Et nous sommes là devant vraiment l'exemple même d'une union. Il y en a eu quelques-unes, mais elles ont été éphémères. Il y a eu le Front Populaire, c'était exactement. L'union. Il y a eu la gauche plurielle de Jospin, ce sont des unions. Exactement, ça ne dure pas. Oui. Et là, on a l'impression que ça va durer, parce qu'il y a un programme commun qui va être signé entre les deux partis, les deux grands partis de la gauche, communistes et socialistes. Mais au fond, ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, si vous voulez, un mot sur Mitterrand. Parce que c'est lui qui est évidemment l'acteur de cette union. Vous savez, Machiavel distingue deux types de politiques, les lions et les renards. Mitterrand est un renard. C'est un homme rusé, qui a moins l'esprit, je dirais, doctrinaire, que l'esprit de la stratégie du pouvoir. Ça, c'est Épinay. C'est le discours d'Épinay marxisant, alors qu'il n'est pas marxiste. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en 58 déjà, avec le changement de régime, il a pris ses marques. Il sera l'adversaire, irréductible. L'opposant. Numéro un. Ouais. Et effectivement, il le devient au point qu'il est le candidat en 65. Mais il y a surtout l'élection du président au suffrage universel, avec ses deux tours. Donc un deuxième tour où il faudra forcément que les différentes gauches, comme les différentes droites, mais à droite c'est De Gaulle, mais en face, il faudra nécessairement qu'il y ait une union. Et il a compris par conséquent que on ne prendrait jamais le pouvoir sans l'alliance avec le Parti communiste. Ce qu'il semble avoir compris aussi, une pierre deux coups, c'est qu'il faut inverser le rapport de force qui est favorable pour l'instant aux communistes. C'est ça la stratégie. Rééquilibrer. Tel est le principe. Mais avec un effort d'imagination, essayons de comprendre que c'est tout à fait extraordinaire cette stratégie, parce que nous étions encore dans la guerre froide. N'oublions complètement pas dedans, même. Que le Parti communiste, ouais. Que les chars soviétiques avaient brisé le printemps de Prague en 1968, que le Parti communiste était isolé. Est-ce que je peux vous arrêter, Michel Vinocq? Pour une bonne raison, vous allez voir pourquoi, et vous allez continuer ce propos, évidemment, mais on va écouter tout de suite, en résonance de ce que vous dites, une archive de François Mitterrand, qui s'exprime dans l'émission Cartes sur table, on ne sommes en janvier 80. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel, évidemment, sur la mainmise de l'URSS, précisément sur le Parti communiste français. Écoutez ce qu'il dit, je crois que vous êtes d'accord avec ça. Je pense que l'Union soviétique n'a pas voulu, en 1977, que soit déstabilisée l'Europe occidentale avec des États-Unis d'Amérique, Kissinger s'était exprimé souvent à cet égard, proférant des menaces si les communistes parvenaient au gouvernement, soit en Italie, soit en France. Et d'une certaine manière, l'Union soviétique a préféré que ce problème ne se pose pas pour ne pas gêner les États-Unis d'Amérique en Occident, ne voulant pas que les États-Unis d'Amérique gênent l'Union soviétique dans ses possessions d'Europe centrale et orientale. Voilà la réalité telle que je la pense. Ça a changé? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est en train de changer de ce point de vue-là? En tout cas, je pense qu'il y aura assez de communistes et de dirigeants communistes pour estimer qu'ils n'ont pas durablement à déterminer les intérêts des travailleurs français, parce qu'après tout, les travailleurs français, je me demande ce qu'ils ont à voir pour servir leurs intérêts avec l'invasion des troupes soviétiques à Kaboul. Hein. Et les travailleurs français, ils savent très bien de quoi on parle. Ils n'ont pas envie non plus qu'on les amuse ou qu'on les détourne. Donc la direction du communisme, vous savez, elle est très sensible à tout cela. Et nous pensons, nous, qu'elle sera contrainte de réexaminer cette situation. Alors, je vous ai coupé parce que vous êtes parti sur la notion selon laquelle on a un parti communiste adossé à Moscou et que, évidemment, ça change beaucoup de choses. Donc, je vous redonne la parole à la lumière de ce qu'il vient de dire François Mitterrand. Qui a fait un grand saut, il est arrivé en 77. Oui, mais je reprends la suite, si vous voulez, du discours de Mitterrand. Mm-hmm. Il a certainement raison, mais je nuancerai parce que, au moment, justement, de la signature du programme commun, le Parti communiste avait manifesté une certaine autonomie, avec un calcul. Bien entendu, c'est une partie de poker entre les socialistes et les communistes, avec des arrière-pensées, et chacun croit que l'union va lui profiter. Et il y avait le précédent du Front populaire, car le Parti communiste, pour la première fois, avait réalisé l'union avec les socialistes et les radicaux, et tout l'avantage, il l'avait tiré pour lui, car l'émergence du Parti communiste en France date du Front populaire, où il fait un bond en avant électoral, et il va continuer sur sa lancée. Alors, il fait ce calcul que l'union lui est nécessaire pour élargir sa base, et que cette union ne peut que lui profiter. Du reste, il est très puissant, vous l'avez dit, par rapport au Parti socialiste. Alors, il est certain que Mitterrand fait un pari. Il fait un pari en se disant que l'alliance avec les communistes pourrait bien, au contraire, profiter d'un rééquilibrage au profit du Parti socialiste. Il y a des arrière-pensées comme cela dès le début. Que font les soviétiques, alors, qui ont toujours eu la main sur le Parti communiste? Là, on se le demande. Parce que en 74, tout de même, il y a cet incident assez étonnant que l'ambassadeur soviétique rend visite à Giscard. Et que Georges Marchais va dénoncer, va se plaindre de cette démarche. Vous voyez, bon, on peut dire c'est factice, quand même. Il y a quelque chose là qui prouve que les communistes ont acquis à ce moment-là, oui, je crois, une part d'autonomie. Seulement, ça va changer par la suite. Alors Mitterrand a raison, certainement, de dire que les communistes ne tenaient pas au succès de l'Union de la Gauche, bien sûr. Pour ces raisons-là. Et que lui-même, Mitterrand, était partisan de l'Alliance Atlantique. Et c'est pour ça qu'on a dit aussi que Moscou aurait vu d'un mauvais œil, préféré la réélection de Giscard en 80 que celle de Mitterrand. Bien sûr, tout à fait. Alors, il y a autre chose quand même. Vous l'avez dit vous-même, et c'est assez spectaculaire, c'est que à partir du moment où le programme commun est signé, dans toutes les élections qui vont suivre, élections partielles, élections législatives, succès, élections cantonales, élections municipales, à chaque fois, le Parti socialiste progresse au détriment du Parti communiste. Et ça devient insupportable. En 1974, Fajon écrit un opuscule qui s'appelle « L'Union est un combat », où il montre que il faut absolument que le Parti communiste garde l'hégémonie sur la gauche pour réaliser le projet de gauche, le projet du programme commun. C'est par le Parti communiste qu'on y arrivera. Et il révèle qu'il y a eu un rapport resté secret de Georges Marchais au lendemain de la signature du programme commun, où Georges Marchais dit en gros: eux, c'est eux, et nous, c'est nous. Eux, ce sont pas des révolutionnaires, ce sont des réformistes, des sociaux-démocrates. Oui, tandis, c'est nous la révolution. Et par conséquent, il va savoir se méfier. Alors que Mitterrand dit carrément, publiquement, il y a 5 millions d'électeurs communistes, eh bien, nous devons, sur ces 5 millions, en récupérer au moins 2 millions. Alors, au bout du compte, selon vous, pourquoi le programme commun s'écroule-t-il en 77? Est-ce que c'est que par des stratégies politiques ou est-ce qu'il y a quand même des différences programmatiques importantes? Sur le fond. Je dirais que Mitterrand, je l'ai dit du reste, n'est pas un doctrinaire. Et qu'au fond, le programme commun, à ses yeux, a un premier intérêt et peut-être un seul intérêt. C'est une étape stratégique vers la victoire politique à l'élection présidentielle. Alors, il concède, évidemment, aux communistes, les nationalisations, au nombre de 8 nationalisations, etc. On pourra dire que ce programme est complètement influencé par le Parti communiste et que les socialistes ont été les dupes, n'est-ce pas, du Parti communiste. Mais Mitterrand, pour Mitterrand, ce n'est pas important. Certes, à Épinay, il a pu dire, on l'a entendu, oui, c'est formidable, cette phrase incroyable, n'est-ce pas ? Rupture avec le capitalisme. La Marx n'aurait pas dit mieux. Enfin, c'est... Absolument. Bon, mais je ne pense pas qu'il le croyait vraiment. Ben non, mais personne ne le pense. Et personne ne croyait qu'il le pensait. Oui. Bon. Mais c'était important pour lui de rendre le Parti socialiste crédible aux yeux du Parti communiste, aux yeux de la gauche, et par rapport à l'ancien Parti socialiste SFIO, qui avait été dominé, présidé par Guy Mollet, ouais. Et c'était aussi contre Guy Mollet qu'il fallait dire « Nous allons refaire un Parti socialiste qui sera un vrai parti de gauche, un parti marxiste, par conséquent. Ouais. » Alors, donc, les différences, je dirais, programmatiques, à ses yeux, je ne crois pas que ce soit le principal. Alors, il accepte néanmoins cette doctrine, alors que très profondément, il est social-démocrate, n'est peut-être pas le mot, mais enfin, disons réformiste, qui est plus juste. Il avait visité la Suède d'Olaf Palme. Il avait trouvé que social-démocrate, on est bien d'accord. Il avait trouvé les réalisations sociales de la Suède absolument magnifiques. Mais voilà, il accepte, si vous voulez, le contexte français, l'histoire française, la doctrine de la lutte des classes, etc. Le refus de tout compromis avec le capitalisme, qui est la base même de la social-démocratie. Et, autrement dit, encore une fois, il se fait opportuniste. Il accepte, il se met dans le moule, par conséquent, d'un parti de gauche, socialiste, qui retrouve ses sources de la lutte des classes et de l'anticapitalisme. Et tout cela mènera ensuite à la victoire de François Mitterrand et donc de la gauche à la présidentielle de 81. Je vous propose d'écouter Georges Marchais qui s'exprime sur Antenne 2, on disait ça à l'époque, au soir de la victoire de François Mitterrand, donc au second tour de la présidentielle de 81. Nous pensons que les obstacles, les difficultés sur le chemin du progrès de l'union de toutes les forces populaires seront surmontés dès lors que s'affirmera la volonté d'agir ensemble au service de cette politique nouvelle et des réformes démocratiques qu'elle implique. Cette volonté, pour notre part, nous l'avons. Le changement a absolument besoin pour se réaliser du Parti communiste, de son apport original, dynamique et créateur au mouvement populaire. Et pour François Mitterrand qui a gagné, la question se pose maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ces communistes? Eh bien, on en prend 4 gouvernements, dont d'ailleurs les personnalités les plus éclairées, hein, Charles Fitterman, Alice Le Port, ce sont des gens très, hein, très intéressants, pas si dogmatiques que ça, finalement. Et puis il y a cette anecdote de la visite de George Bush, père, qui était vice-président de Reagan à l'époque, qui vient voir François Mitterrand. Il s'inquiète, les États-Unis s'inquiètent de la présence de communistes au gouvernement. Je crois que Mitterrand leur répond un truc du genre, on verra à travers bientôt, je vais mieux vaut qu'ils soient chez moi qu'ailleurs, ils sont beaucoup moins dangereux, je vais les étouffer. Oui, certainement. Oui. Mais Mitterrand, après la rupture de 77, a voulu rester fidèle à l'Union. Oui. Fidèle d'où les quatre en accusant les communistes de rompre. C'était eux les coupables, n'est-ce pas? C'est eux qui voulaient la rupture. Mais lorsque, après le premier tour, Mitterrand l'emporte très très nettement sur le candidat communiste, alors à ce moment-là, les communistes, Georges Marchais en tête, vont se raccrocher naturellement pour le deuxième tour, pour sauver les meubles, dirons-nous. Mais attention, il n'est pas sûr. Il est même certain que Georges Marchais ne souhaitait pas la victoire de Mitterrand. On a des témoignages, Pierre Juquin et d'autres, qui nous racontent que Georges Marchais, autour de lui, non pas publiquement, mais privément, faisait voter contre François Mitterrand. Même chose à droite, hein, Chirac et Giscard. Absolument. Chirac aurait fait voter François Mitterrand. Un parallélisme intéressant. Bien, oui. Michel Vinocq, on pourra en discuter encore des heures, tellement tout cela est passionnant, intéressant et sautillant, finalement. C'est la politique sur des valeurs et sur des discours, c'est le champ politique, c'est la société politique dont nous avons eu un échantillon pendant une heure. Merci infiniment, Michel Vinocq. Au revoir. Merci.